Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a exactement 100 ans, naissait Albert Camus, disparu en 1960 à 46 ans dans un accident de voiture. Franck Ferrand ne pouvait pas passer à côté de ce centenaire. Bonjour Franck. Et non, bonjour Céline, bonjour à tous. Camus, écrivain bien sûr, mais aussi philosophe, journaliste, résistant, prix Nobel de littérature en 1957, je vais vous raconter cela. J'ai demandé à Eva Rock, qui connaît bien l'homme et son œuvre, de venir nous livrer son regard toujours perçant sur ce monstre sacré. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Mercedes. Pardon, oui, Mercedes s'intéresse au mariage en général et à la jarretière en particulier. Vous voyez qu'Au cœur de l'histoire est une émission, disons, éclectique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 1958, Albert Camus est en pleine force de l'âge. Il a 45 ans, ça n'est pas difficile à calculer. Je viens de vous dire qu'on célébrait aujourd'hui son centenaire, donc il est né en 1913, bien entendu. Il vient de recevoir le prix Nobel de littérature, autant dire que c'est quelqu'un d'infiniment célèbre, tout à fait à l'aise. D'ailleurs, il va bientôt s'acheter une maison dans le Vaucluse. Et pourtant, il est miné moins par cette tuberculose chronique qui le suit depuis l'adolescence, que par cette guerre d'Algérie qui pour lui est un véritable divorce. L'attachement à l'Algérie explique un grand nombre des positions prises par Albert Camus. On va y revenir bien entendu dans tout le cours de cette émission. « J'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal aux poumons », dit-il. Il aime avec passion cette terre où il est né et où vit encore sa mère à cette époque. Alors, je viens de vous le dire, l'année précédente, il a connu une consécration incroyable. On est le 16 octobre 1957, imaginez dans un restaurant du quartier latin que j'ai bien connu par ailleurs. On est au premier étage du restaurant en question. Il est en train de déjeuner Albert Camus avec une amie américaine, Patricia Blake, et il voit arriver un employé de la maison Gallimard qu'il connaît, qu'il croise régulièrement et qui s'approche et qui a quelque chose à lui annoncer. Il lui parle assez bas à l'oreille et l'on voit Camus blêmir, il a l'air bouleversé et sa première phrase est tout à fait symptomatique. Il dit « Malraux aurait dû l'avoir ». Il est vrai que le nom d'André Malraux avait été suggéré par un certain nombre de milieux très autorisés en France comme en Suède pour le prix Nobel de littérature. Ben c'est pas André Malraux, c'est bien Albert Camus que le comité Nobel a décidé de récompenser. On peut dire que les sages de Stockholm, comme on les appelle, ont été séduits par cet écrivain engagé qui à l'époque donc n'a que 44 ans. Le voilà donc, prix Nobel de littérature. Je cite le communiqué du comité Nobel, pour l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes qui se posent à la conscience des hommes. Comme c'est bien vu et comme c'est bien dit, à la conscience des hommes, on est au cœur même de ce qui va faire la force de cette œuvre et de son rayonnement. Camus, pour tout vous dire, il est surpris, il est quasiment accablé par ce prix. Vous imaginez ce que c'est, entre parenthèses, de recevoir à 44 ans le prix Nobel de littérature. Ça paraît un peu invraisemblable. Alors il songe à refuser dans un premier temps, ou alors il se dit qu'il va accepter, mais qu'il ne va pas se donner le ridicule d'aller prononcer un discours à Stockholm. Qui est-il, se dit-il. C'est de l'humilité, il ne faut pas prendre ça pour de l'orgueil mal placé. Camus se demande en quelque sorte si ce prix Nobel n'est pas un costume un peu large pour lui. Seulement, il y a Camus, mais il y a tout l'entourage autour. Et notamment, il y a bien sûr la maison d'édition Gallimard, Gaston Gallimard, son éditeur, qui lui dit « Mais enfin, vous imaginez, vous n'allez pas me priver, moi, d'une chance pareille. Bien sûr que vous allez aller à Stockholm et bien sûr que vous allez aller le recevoir, ce prix. » Alors, faut imaginer le concert d'éloges et de félicitations, c'est quelque chose. Quand vous voyez un peu à quoi ressemble, l'appartement d'un écrivain qui vient de recevoir le prix Goncourt, hein, c'est couvert de fleurs et de messages. Mais alors imaginez ce que ça peut être quand on parle du prix Nobel de littérature. Alors il y a toute une partie de la presse qui s'extasie. Je cite un extrait d'un texte de Lucien Rebattet dans Dimanche Matin. Cette récompense, qui échoit le plus souvent à des septuagénaires, n'est nullement prématurée. Dès Dès son allégorie de la peste, on diagnostiquait chez Camus une artériosclérose du style. Voici ce qu'en tout cas disait Albert Camus au micro d'Europe numéro 1, au micro précisément de Louis Regnoni. Monsieur Camus, que représente le prix Nobel pour un homme de votre génération et j'ose le dire, un homme de votre âge ? Eh bien, une surprise pour commencer, car j'ai toujours pensé que le prix Nobel était donné à un écrivain dont l'œuvre était achevée. Et en particulier, si j'avais eu personnellement à voter, je l'aurais fait pour André Malraux, qui a été un des maîtres de ma jeunesse et qui continue à rester un écrivain que j'admire et un homme pour qui j'ai de l'amitié. Alors, beaucoup évidemment de presse autour du jeune récipiendaire, de félicitations qui pleuvent, mais aussi beaucoup de critiques, et pour certaines, très acerbes. D'habitude, le prix Nobel récompense une œuvre achevée ou en cours d'achèvement. C'est un vieil écrivain que l'on récompense pour l'ensemble d'une longue œuvre. Enfin bon, là, c'est vrai que récompenser un jeune homme, enfin en tout cas un homme jeune, ça paraît assez étonnant. Alors certains, je pense à François Mauriac dans le Figaro littéraire, par exemple, qui écrit « C'est cette jeune voix... » Il est un peu énervé, je pense, Mauriac. « C'est cette jeune voix à laquelle toute une génération fait écho qui a conquis, j'imagine, le jury du prix Nobel. » Dans l'hebdo Carrefour, un hebdomadaire de droite, on peut lire « On peut croire, pour simplifier les positions, que l'Académie suédoise a préféré un partisan des solutions dites libérales en Algérie à un partisan de l'Algérie française. Quelle étrange et nouvelle forme d'ingérence dans nos affaires intérieures. » Et c'est vraiment toute la question, car on peut se poser très légitimement la question des motivations du jury Nobel, et il est certain que les positions qu'a pu prendre Albert Camus sur une guerre d'Algérie qui à l'époque n'est pas du tout réglée, hein, on est en plein dans la guerre d'Algérie, en plein dans le planchal au moment de la décision du jury Nobel. Enfin non, d'ailleurs on n'est pas dans le planchal, on est juste avant le planchal. En tout cas on est en plein dans le règlement armé des opérations, délitement complet en Algérie, hein, on n'est pas très loin de la crise du 13 mai qui va survenir quelques semaines plus tard. On peut se demander effectivement s'il n'y a pas quelque chose de politique dans cette décision. La revue Art caricature Camus en tenue de cow-boy avec des pistolets en main et la légende est terrible. En décernant son prix à Camus, le Nobel couronne une œuvre terminée. Et c'est Jacques Laurent. Jacques Laurent, c'est ce qu'on connaît mieux sous le nom de Cécile Saint-Laurent, vous savez, l'académicien, auteur des grands romanciers, des grands romans populaires, qui va écrire dans cette revue. Pourquoi s'étonner qu'une institution qui considère les propos d'une œuvre et non sa qualité ait été irrésistiblement attirée par un homme qui s'avance douloureusement sur le chemin de l'écriture avec des majuscules pour béquilles? C'est pas très gentil. Alors ça, c'est pour les critiques de droite, mais il faudrait pas croire qu'à gauche, on se soit montré tellement plus tendre. Voici ce que Bernard Franck, dans L'Humanité, écrivait au même moment. Le style d'un timide, d'un homme du peuple qui, les gants à la main, le chapeau encore sur la tête, entre pour la première fois dans un salon. Les autres invités se détournent, ils savent à qui ils ont affaire. Quand Camus pense, il met son beau style, les résultats ne sont pas très bons. Vous voyez un peu la violence. Et alors, il y a même des gens, quand même, qui ont travaillé avec Camus. Je pense à Pascal Piat, par exemple, qui était un ancien journaliste, enfin, qui était journaliste, mais qui avait été son collègue, qui l'avait aidé dans un certain nombre de papiers anticoloniaux. Voici ce qu'écrit Pascal Piat dans Paris Presse. Citoyen du monde, pacifiste, signataire de pétitions généreuses, adversaire déclaré de la peine de mort, Albert Camus, tel que le définissent ses récents ouvrages, ne saurait déplaire à Stockholm où, comme on l'a vu quand la Finlande et la Norvège voisines furent envahies, l'amour obstiné de la paix l'emporte toujours sur tout autre sentiment. C'est d'une vachardise, c'est même, on pourrait dire, d'une violence comme affaire. Alors, néanmoins, Camus va subir à la fois ce concert d'éloges et tous ces couacs critiques, et il va finir par s'envoler pour la Suède. Nous y venons dans un instant.

de ses seules négations, un peu de ce qui fait de la, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. C'est toujours extraordinaire de voir que près d'un demi-siècle plus tard, de telles phrases est encore un aussi grand retentissement. On peut dire que pour nous, elle vibre toujours d'une sorte d'éclat, d'une sorte de lucidité, et plus encore que tout cela, d'une valeur intacte. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Il y a 100 ans aujourd'hui, naissait Albert Camus, l'occasion pour vous, Franck Ferrand, de revenir sur la vie de ce grand personnage et notamment l'obtention de son prix Nobel. Et nous nous disions à l'instant avec Eva Rock, alors évidemment, il était atteint de tuberculose. Mais par ailleurs, on aurait tout à fait pu imaginer qu'Albert Camus vive 100 ans et on pourrait aujourd'hui fêter ses 100 ans. Bon, il se trouve qu'il est mort tôt et c'est ce que nous allons voir à l'instant. Il faut vous dire qu'avec le prix Nobel, le chèque qu'on lui a remis tout simplement, il s'est acheté une maison dans le Vaucluse, à Lourmarin, qui est un des plus jolis, plus charmant village qui puisse être. On est donc là en 58. C'est une ancienne magnanerie qu'il a achetée. C'est d'ailleurs une ferme, vous savez, où on élève des vers à soie. Avec, il faut imaginer une belle maison avec des volets verts, une terrasse arrondie. On est dans cette Provence magnifique, hein, avec les cyprès, etc. C'est très beau. Il y a peut-être quelque chose aussi de la lumière algéroise de son enfance, peut-être. Une maison qu'habite du reste toujours sa fille Catherine, qui aujourd'hui gère l'œuvre et qui tient sur le blog Mediapart Journal César, qui tient une sorte de journal très intéressant. Il a trouvé, écrit-elle, cette maison en septembre 1958. Il nous a amené ici. Je me souviens d'un jour de septembre brumeux très doux et de la grande rue de Lourmarin, qui était un village paysan à l'époque. Il a demandé si l'on regretterait la mer. Mon frère a dit non. Moi, j'ai dit oui. Puis il a acheté la maison et l'a entièrement arrangée avant de nous faire venir. Il y avait tout, rideaux, lits, draps, tasses, assiettes, meubles. Il avait tout conçu avec des artisans et des brocanteurs. C'était un cadeau magnifique, irréel pour nous qui avions été jusque-là élevés sans superflu. Alors, il passe beaucoup de temps à partir de là, Camus, dans cette maison. Il faut quand même dire qu'après le prix Nobel, il n'écrit vraiment pas grand-chose. Hein. C'est José Lenzini, dans un très joli ouvrage publié chez Babel, qui s'appelle « Les derniers jours de la vie d'Albert Camus », qui écrit « Tout allait si bien jusqu'à la grande consécration du Nobel. Cette reconnaissance est un fardeau, une mise en lumière qui n'a fait qu'attiser l'hostilité de ses détracteurs, au nombre desquels il compte même d'anciens compagnons de route comme Pascal Piat. Les critiques l'ont blessé, on l'a vu hein, ça tout à l'heure, les critiques l'ont blessé et le doute s'est même installé insidieusement. Alors, on essaie de le réconforter, bien entendu. Il va donner à la fin de l'année 59 sa toute dernière interview dans Venture pour le numéro de printemps-été 60. Il parle bien sûr de son métier d'écrivain. L'interview a été donnée le 20 décembre 59. « Je ne parle pour personne, dit-il. J'ai trop à faire pour trouver mon propre langage. Je ne guide personne. Je ne sais pas où je sais mal où je vais. Je ne vis pas sur un trépied. Je marche du même pas que tous dans les rues du temps. Je me pose les mêmes questions que se posent les hommes de ma génération. Voilà tout. Et il est bien naturel qu'ils les retrouvent dans mes livres s'ils les lisent. Mais un miroir renseigne. Il n'enseigne pas. » Belle lucidité sur soi-même et une fois de plus quelle puissance dans la pensée, dans son expression. Alors en cette fin d'année 59, son épouse Francine et les deux enfants ont donc rejoint Albert à Lourmarin pour les vacances. On fait le réveillon provençal, vous savez, avec les 13 desserts au menu. Sa fille Catherine se rappelle, il m'a offert une montre car avec lui il fallait toujours que les cadeaux soient utiles. Sa famille le quitte le 2 janvier, la femme et les enfants donc rentrent à Paris en train. Lui a pris son billet, il doit aussi rentrer à Paris par le train. Simplement, arrive à Lourmarin dans une Facel Vega, hein, superbe voiture de sport. La famille Gallimard, Michel et Janine, accompagnés de leur fille Anne et de leur chien. Michel Gallimard insiste, mais non, on va te ramener. Albert Camus, c'est entendu, rentrera dans la Facel Vega de ses amis. Intéressant du reste, on en parlera peut-être tout à l'heure, cette relation entre Michel Gallimard et Albert Camus. Michel est le neveu de Gaston Gallimard, il est un peu son fils spirituel. Et Janine, de son côté, est la secrétaire du comité de lecture de la maison Gallimard. On est vraiment dans un milieu très éditorial. Michel a pris en charge la collection de la Pléiade. Il n'est pas en bon terme avec le fils de Gaston Gallimard, Claude, qui est l'héritier légitime de la maison. Tout ça risque de faire exploser la maison d'édition. Et on peut dire d'ailleurs qu'après la mort de Michel dans l'accident qui va survenir, c'est Claude qui régnera désormais sur la maison Gallimard. Alors, avant de partir vers Paris, Albert Camus écrit une lettre à sa mère. « Je souhaite que tu sois toujours aussi jeune et aussi belle et que ton cœur, qui ne peut d'ailleurs changer, reste le même, c'est-à-dire le meilleur de la terre. » On peut dire que ça, ce sont les derniers mots finalement qu'aura écrit Albert Camus, car le 4 janvier, eh bien, il prend la route. La voiture s'engage, ils s'arrêteront à Sens pour déjeuner à l'hôtel de Paris et de la Poste, et puis on reprend la route en début d'après-midi avant de s'engager sur la Nationale 5 jusqu'à Paris. Et je n'ai pas besoin d'insister beaucoup en vous disant qu'évidemment c'est un signe des temps. À cette époque, il n'y avait rien d'obligatoire. Albert Camus, qui est assis sur le siège passager à côté du chauffeur, ne porte pas de ceinture de sécurité. Et bonjour Eva Rock. Bonjour Franck, bonjour à tous. Nous allons revivre avec vous dans un instant l'accident qui a coûté la vie à Albert Camus. Nous allons parler de tous les mystères et de toutes les énigmes qui ont été greffées sur cet accident. Et puis surtout, nous allons revenir sur la vie, sur l'œuvre, sur la personnalité extraordinaire de ce très grand homme. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, avec à l'honneur aujourd'hui Albert Camus, qui aurait eu 100 ans d'ailleurs aujourd'hui. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invitée Eva Rock, journaliste, chef des infos à Télé 7 jours. Alors Eva, il faut que nous revenions sur cet accident, bien entendu, qui a été à l'époque très, comme on dirait aujourd'hui, médiatisé. Ça a été un événement important, bien entendu, ce jeune prix Nobel qui meurt dans la voiture du fils du neveu de son éditeur. C'est terrible. Une star, oui, on peut le dire. C'était une star, oui, à l'époque. Oui, il y a eu plusieurs périodes dans sa vie où on mesure peut-être pas forcément aujourd'hui à quel point ça a été starisé et à la une des médias, mais la querelle avec Sartre, etc., ça faisait la une de tous les journaux en France et à l'étranger. Donc c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans la vie intellectuelle française. Alors que s'est-il passé en fait comment est arrivé cet accident? On dit que c'est les journaux de l'époque qui évoquent une vitesse excessive, 180 km/h, peut-être un malaise du chauffeur de Michel Gallimard. Peut-être l'éclatement d'un pneu, dit-on aussi, c'est une possibilité. Il y a eu plusieurs hypothèses, on n'a jamais su réellement ce qui s'était passé avec cet accident. Toujours est-il qu'évidemment, il est tragique. Et puis c'est d'autant plus symptomatique, si vous voulez, qu'il est avec Michel Gallimard. Et donc là, ce que vous racontiez, c'est-à-dire c'est la famille Gallimard qui a porté Camus et qui a fait de Camus cet écrivain qu'on connaît aujourd'hui encore. Eh oui, et donc ils ont défait involontairement, bien sûr, mais ce qu'ils avaient fait, c'est un moment très fort, qui d'ailleurs ressemble en quelque sorte à un roman. Il y a quelque chose de très remarquable. Alors, bien sûr, certains vont se poser des questions. C'est Etiamble, René Etiamble, qui va beaucoup enquêter sur la question. « J'ai longtemps enquêté, dit-il, et j'avais les preuves que cette Facel Vega était un cercueil. J'ai cherché en vain un journal qui veuille publier mon article. » Eh ben non, il n'a pas trouvé. Personne jamais n'a voulu publier ça. Alors on a émis toutes sortes d'idées. La vitesse, ça on l'a dit bien entendu. On a parlé peut-être d'épilepsie. C'est Jean-Louis Roy notamment qui parle dans les Cahiers de Lerne en 2013 là, d'une possible crise d'épilepsie qui aurait été provoquée par le défilement des arbres sur la route, figurez-vous. Mais on peut dire en même temps que Michel Gallimard était passionné d'aviation et que s'il avait été épileptique, ça se serait su a priori. Certains ont été plus loin, ils ont carrément imaginé un complot, une mort voulue, le KGB aurait pu intervenir. C'est notamment l'universitaire italien Giovanni Catelli qui, il y a 2 ans, en 2011, a relancé ce débat. Il affirme qu'il aurait été provoqué par des agents du KGB et dans le Corriere della Sera, il a affirmé avoir découvert cette information dans le journal posthume du poète tchèque Jan Zabrana. Le poète fait état en effet d'une rencontre avec un russe proche du KGB qui lui aurait dit j'avais tout fait pour saboter la voiture, j'avais endommagé un pneu de la voiture grâce à un outil qui lors d'une pointe de vitesse a finalement tailladé ou crevé le pneu. Ça fait froid dans le dos. Fait froid dans le dos, puis cette histoire de KGB le poursuit toute sa vie en fait. Son adhésion au Parti communiste pendant 2 ans, Parti communiste algérois, et sa rupture avec le Parti communiste va empoisonner sa vie. Rupture au moins aussi spectaculaire que son adhésion, c'est le moins qu'on puisse dire. On est bien d'accord, oui. Et puis lors d'un voyage aux États-Unis, pareil, il a parce qu'il avait adhéré au Parti communiste, le FBI était à sa poursuite. On a l'impression d'être dans une série américaine, vous savez, avec quelqu'un qui le suit dans chacun de ses recoins en se disant mais il va faire du prosélytisme communiste, et puis en fait il ne s'est absolument rien passé. Il est reparti des États-Unis avec une mention un homme est pris de liberté. Un humaniste épris de liberté. Oui, donc on est quand même assez loin du compte. J'ai dit qu'avant de partir, il avait écrit cette lettre à sa mère. Il en avait écrit tellement, du reste. Sa femme était repartie l'avant-veille par le train. On se disait juste avant que ne commence l'émission, c'est vous qui me faisiez remarquer ça, Eva, qu'il avait quatre femmes dans sa vie au moment de l'accident. Il avait quatre femmes. Alors, Camus et les femmes, c'est un roman à part entière, j'ai envie de vous dire. Depuis l'image de sa mère jusqu'à sa fille. Mais c'est vrai que c'était un homme à femme, charmeur. Olivier Todd racontait d'ailleurs dans la biographie, il disait, il déshabillait les femmes en les regardant. C'était vraiment un très grand charmeur. Et voilà, les femmes ont marqué sa vie depuis 1934 et son premier mariage, ensuite un second mariage, et alors, des multiples liaisons. On peut peut-être les prendre dans l'ordre, si je puis dire, ces femmes. Sa mère, donc d'abord, qui joue un rôle. Elle est omniprésente, la mère. Omniprésente, primordiale. C'est son pilier, c'est sa référence, c'est celle qui le remet dans la vie au quotidien, dans cette vie des taiseux, comme il disait, cette vie des gens pauvres, et qui le ramène à sa condition, à la vie qu'il a menée d'une vie de classe populaire, vraiment pas fortunée dans l'Algérie des années 40. Et sa mère est omniprésente, d'autant que elle est sourde, elle est muette, hein, elle lit sur les lèvres en fait, hein, et elle est illettrée, et donc il devient, si vous voulez, le porte-parole aussi de tous ces gens qui n'ont pas cette capacité à s'exprimer. Et pour lui, la pauvreté verbale, elle est liée aussi à une pauvreté économique. Tout ça est un... Et il va être au cours de sa vie très attaché à ça, et il le dira dans son discours au prix Nobel. Il est là aussi pour parler au nom de ces gens-là, parce que lui a eu cette chance de rencontrer, vous racontiez Louis Germain, son instituteur qui lui a donné cette connaissance et qui l'a poussé à lire, à écrire et à devenir cet écrivain. Mais il ne cesse de penser à ces gens qui sont comme sa mère, qui ne peuvent pas s'exprimer et qui n'ont pas les moyens de s'exprimer et de comprendre le monde comme lui, il peut le comprendre aujourd'hui. Donc sa mère va avoir une place prépondérante, et vous savez que dans cet accident de voiture, on va retrouver un document extraordinaire qui est son dernier ouvrage en fait, hein, qui s'appelle Le Premier Homme, où il y a des pages extraordinaires en hommage à sa mère et à son père aussi qu'il n'a pas connu. Mais c'est vraiment la figure maternelle qui va illuminer sa vie, je pense, jusqu'au bout. Et vous savez, même elle ne comprendra pas ce que c'est que le prix Nobel, par exemple. Elle ne comprend pas pourquoi il y a autant de bruit autour de son fils. Et elle, ce qu'elle voit, c'est simplement que son pantalon devrait être un peu mieux repassé. Voilà, c'est vraiment la vie entre, si vous voulez, cet écrivain célèbre, finalement, la célébré dans le monde, et la simplicité. La simplicité du style et la simplicité de l'œuvre de Camus puisent leur racine dans une simplicité de vie, totalement, peut-être. Hein. Totalement, ouais, on peut dire exactement. Ça. Elle n'a jamais changé d'appartement, elle n'a pas changé de meuble. Ces deux femmes, parlons. Alors, on a dit un mot de Francine, mais d'abord, son premier mariage, peut-être. Hein, alors, c'est... premier mariage assez drôle, j'allais dire, parce que, en fait, il pique la femme à un autre auteur, à un poète en Algérie. Et donc, on est en 1934, par contre, il rencontre Simone Yé, qui est une starlette algéroise. Elle fume, elle est très un peu provocante, vous voyez. Et malheureusement, elle est aussi toxicomane, c'est la morphine, c'est l'héroïne. Et elle le trompe. Elle le trompe, donc ça ne fonctionne pas. Le mariage ne dure pas bien longtemps. Entre-temps, il va rencontrer une autre fille d'institutrice qui s'appelle Christiane Galindo. On est en 1937. Et puis, ce que vous disiez, effectivement, la rencontre avec Francine Faure en 1940, qui est primordiale, puisque ça sera évidemment la femme de ses enfants, les jumeaux Catherine et Jean. La mère de ses enfants. La mère de ses enfants. Et pardon. On peut pas dire qu'il l'ait rendue heureuse, la pauvre. Pas vraiment, parce que il a multiplié les liaisons. Elle était au courant, et notamment d'une liaison qui avait été publique, était avec Maria Cazares, la grande comédienne Maria Cazares. Voilà, qu'il avait rencontrée en 1944 dans un repas chez Michel Léris, et dont il tombe follement amoureux, qui va jouer au théâtre avec lui. Et cette liaison est rendue publique, et Francine voit son mari à la une des magazines avec Maria Cazares. Et elle va sombrer dans une dépression assez importante, parce que c'est la femme trompée, mais qui reste encore là à ses côtés. Très peu de temps avant sa mort, il avait d'ailleurs rencontré aussi une toute jeune artiste peintre aussi. Et hein, oui, on l'appelle Mie, Mie Tivers, qui est une peintre danoise qui a 20 ans de moins que lui. Ils se sont rencontrés en 1957 dans le Saint-Germain, au Flore. Oui. On les imagine en train d'aller à ce qu'on appelle les boîtes de nuit à l'époque, parce que c'était un fou de danse, de cha-cha, de rumba, etc. Et il va pousser quand même, entre guillemets, le vice à installer Mie à côté de Lourmarin, dans une autre maison. Et donc, Francine et les enfants voient de temps en temps leur père et mari partir en disant j'ai affaire, je vais aller me balader. Et c'est Catherine Camus, donc la fille, qui raconte, on savait très bien ce que notre père allait faire quand il disait je vais me balader. C'est Pierre Bénichoux qui les avait présentés. A priori, oui, c'est une des théories que j'ai pu lire. Pierre aurait facilité la rencontre au Flore entre Mie et Camus. Pierre, que nous saluons très, très amicalement, évidemment. Alors, ce personnage donc à la vie beaucoup plus foisonnante qu'on ne pourrait imaginer, n'écrit plus grand-chose après le prix Nobel, mais il a en revanche publié un certain nombre de très grandes œuvres. Alors on va peut-être pas revenir sur chacune des grandes œuvres de Camus, mais enfin L'étranger, La peste, La chute, on a tous plus ou moins et à un moment ou à un autre étudié ces romans à l'école, et puis on les a lus parce que ce sont des romans de formation en quelque sorte. Oui, alors il y avait une critique que je trouve absolument qui est vraiment dommageable, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé que c'était le philosophe des classes de terminale, alors qu'il est beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est un auteur primordial, et L'étranger est une œuvre primordiale dans la littérature française. Mais il avait cette capacité, il a laissé une œuvre foisonnante parce que il y a eu du roman, parce qu'il y a eu du théâtre, parce qu'il y a eu ses essais philosophiques, et parce qu'il y a eu aussi ses éditos dans Combat. Et le journaliste, il faut pas oublier, il a une vision du journalisme et de ce que doit être le journaliste. J'ai retrouvé une phrase ce matin où je me disais on devrait la mettre en exergue de tous nos journaux, où il dit le journaliste et l'historien au jour le jour, et a un devoir d'objectivité tant qu'on peut, et de vérité dans l'histoire aussi fuyante qu'elle soit, et de prudence. Et il y a une modernité dans ses écrits, ce que vous disiez dans votre récit, qui est absolument incroyable. Modernité, simplicité, une forme de pureté, peut-être aussi est-il à l'origine d'un certain nombre des idéaux de toute une génération, on pourrait même dire peut-être de plusieurs générations, qui ont fini par croire totalement à la révolte, à la justice, avec tout ce que cela a pu par ailleurs entraîner. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. On écoute Evangelis, un extrait de la bande originale du film La Peste, qui est sorti en 1992. Albert Camus aurait eu 100 ans aujourd'hui. L'occasion pour vous, Franck Ferrand, de revenir sur sa vie avec votre invité Eva Rock, journaliste, chef des infos à Télé 7 jours. Et oui, Eva Rock, qui connaît bien tous ces monstres sacrés du XXe siècle, et Albert Camus particulièrement. Vous me disiez, j'aurais pu tomber sous le charme tout à l'heure. Oui, et puis parce que ça fait partie de ces auteurs, vous savez, qui ont des textes fondateurs, j'irais, pour chacun d'entre nous. Alors on les prend différentes, enfin avec plus ou moins d'importance, mais vous m'aviez gentiment invité pour parler de Boris Vian, oui. Et je pense que Vian et Camus m'ont accompagné dans mes littératures d'adolescence et que j'ai pu relire aujourd'hui avec un autre regard, et tous les deux partager à la fois ce Saint-Germain des années 50 qui nous font un peu fantasmer. Il y a beaucoup plus de liens qu'on ne pense entre tous ces très grands auteurs. Hein. Entre parenthèses, quelle foison, quelle couronne d'auteurs sur la littérature française de l'époque. Mais l'admiration de Camus pour Malraux est très sincère et profonde. Pour Roger Martin Dugard également, l'autre prix Nobel. Qui lui avait donné des conseils 20 ans, parce qu'il avait obtenu le prix 20 ans auparavant. Et il y a un texte très drôle dans une correspondance où il dit à Camus « N'oublie pas de prendre des vêtements chauds, quatre costumes différents, de préparer des speeches différents. Et surtout, n'oublie pas de prendre ton chèque avant de partir. » Et le texte est incroyable. Alors, il y a des rapports plus compliqués avec Sartre, évidemment. Là, on est au cœur même de la querelle essentielle. On ne va pas entrer, nous, dans cette affaire de l'existentialisme, mais il faut dire un mot quand même de ces difficultés difficulté, en quelque sorte. La querelle avec Sartre, elle est très complexe, parce qu'elle repose évidemment à la fois sur un conflit philosophique et comment ils abordaient la philosophie et la vie. Camus, pardon, je vais un peu caricaturer et faire dans la simplicité, mais c'est vrai que Camus est l'homme de la révolte, pendant que Sartre est plutôt l'homme de la révolution. Ils se sont opposés là-dessus, et la rupture est intervenue en 1952, quand dans les temps modernes, donc, était la revue gérée par Sartre, il y a un texte de Janson qui est publié contre, très critique à l'égard du dernier ouvrage de Camus qui était L'homme révolté, où il dit la révolte vous met un peu dans une stagnation, c'est-à-dire que vous n'agissez pas en fait, et Camus le prend très mal, fait un courrier en retour à Sartre qui lui répond de toute façon dans le même numéro d'ailleurs, voilà. Mais cette querelle, elle couvait en fait, parce que derrière aussi la querelle philosophique et littéraire, il y a aussi deux hommes totalement différents, c'est-à-dire de deux milieux différents. Et Camus reprochait un peu à ses auteurs de gauche, à ses philosophes et ses intellectuels, un peu gauche caviar, ouais. Exactement, en disant vous êtes des nantis, vous êtes nés dans la bourgeoisie, ce qui n'est pas mon cas, et je vous reproche ça. Et on reproche, et les autres reprochaient à Camus de ne pas être dans un clan, de ne pas être dans un parti, de n'être ni à gauche ni à droite, et de choisir cette voie médiane qui est extrêmement difficile à maintenir et à poursuivre au cours de sa vie, mais on lui reprochait ça aussi. Alors justement, on a vu quelles étaient les origines sociales de modestes d'Albert Camus, cette origine géographique essentielle pour lui, puisque tout se définit par rapport à cette Algérie vécue et rêvée, j'allais dire vécue dans le rêve et réciproquement d'une certaine façon. Tout ça explose dans le grand roman, dans L'Étranger, on est en 1942. Hein, c'est oui, c'est l'homme de la Méditerranée, c'est la lumière Camus, il n'y a personne, en mon sens, il n'y a personne qui n'a écrit et décrit la Méditerranée de ce point de vue-là. Et une chose extrêmement importante, me semble-t-il, c'est qu'il était cette passerelle entre les deux rives de la Méditerranée. Et la lumière, ce que vous disiez, la lumière de Lourmarin, lui rappelle effectivement cette lumière de l'autre côté. Et il est vraiment cette passerelle entre ces deux continents et l'étranger, évidemment. Il est un peu Meursault quand même, il faut le dire. Hein, donc le héros du vous vouliez d'ailleurs lire peut-être un extrait de L'Étranger. Oui, si vous m'en donnez la possibilité. Avec joie. Parce que je pense que c'est vraiment à la fois la lumière de Camus et ses mots. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant, et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et adouci, assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil, j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût, et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. C'est la scène donc du meurtre de Meursault, et dans ces mots où il y a tout, c'est-à-dire que Camus avait cette faculté à utiliser tous les cinq sens pour nous faire entrer dans cette scène-là. Vous avez le toucher, vous avez le goût, l'odorat, l'ouïe, tous les sens sont là, et c'est le cœur de L'Étranger. C'est d'ailleurs même physiquement, c'est le cœur du livre. Et sincèrement, j'ai beau relire 100 000 fois ce texte, il m'émeut toujours autant. Oui, avec une simplicité, une économie du style absolument extraordinaire. Qui lui a valu des critiques, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Roland Barthes disait, c'est un livre qui n'a pas de style. C'est incroyable maintenant quand vous relisez ça. Il avait érigé, je pense, la simplicité au rang de sublime pour moi. Vraiment. Ouais. Mais il y a en même temps dans cette simplicité de forme, il y a tout le contenu d'une énorme puissance de fond. C'est-à-dire qu'il y a chez Camus ce fond constamment présent. Hein, la force prime sur la forme. Oui, et chaque mot a un sens, et chaque mot donne un sens au monde et vous explique le monde. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a été un si grand auteur de théâtre, ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Hein. C'est peut-être le mot qu'il faudrait retenir, d'ailleurs, d'une émission sur Albert Camus, c'est qu'il a été un dramaturge, il a été plus que ça, un homme de théâtre. Un homme vraiment, de théâtre, hein. Complètement. Qui commence d'ailleurs dès 1937 en Algérie, où il va créer le théâtre de l'Équipe. Il voulait en faire un théâtre populaire. C'était toujours ce besoin d'amener les lettres et d'amener son art aux gens qui n'avaient pas accès. Et la première pièce qu'il va faire, la première adaptation, c'est Le Temps du Mépris de Malraux, pour qui il avait une admiration sans faille. Et le théâtre, effectivement, a rythmé sa vie, parce que c'est lors d'une représentation des Mouches qu'il rencontre Sartre. Et oui. C'est là qu'il rencontre Maria Cazares et qu'il va faire jouer. Enfin, c'est vraiment... et les pièces qu'il a faites, je pense au Malentendu, à Caligula ou au Juste, sont des textes fondateurs chez Camus, évidemment. Oui. Et ce sont des textes qui, là encore, sont d'une très grande simplicité de style. Hein. Il y a une forme de dépouillement, quelque oui. part. Hein. Une forme de dépouillement, mais qui rend ce théâtre de Camus, alors, très paradoxalement, autant les textes romanesques me paraissent, moi, absolument éternels, ils ne sont pas datés du tout, autant le théâtre a peut-être quelque chose d'un peu plus daté. Peut-être. Oui, parce que plus politique, sans doute, et plus inscrit dans l'histoire, parce que quand il fait Les Justes, c'est Moscou en 1905, parce que quand c'est Caligula, c'est évidemment, c'est inscrit dans l'histoire de cet empereur romain. Donc c'est vrai, vous avez raison, il y a une inscription dans le temps, il y a une temporalité qui est plus présente, effectivement, dans le théâtre que ce n'est le cas dans les œuvres romanesques. Et puis il y a peut-être une forme de simplicité qui peut finir par donner le sentiment presque d'une affaîtrise, c'est beaucoup dire, mais ça pose un tout petit peu, peut-être un peu plus que dans les romans, oui, qui sont éternels. On disait qu'ils avaient tout à l'heure, on disait avant que nous commencions l'émission, mais quelque chose d'antique quasiment. Hein. Ils sont universels, complètement tout universels et universels et qui parle à toutes les générations, comme vous le disiez. On peut relire aujourd'hui L'Étranger et La Peste avec les mêmes problématiques. J'ai envie de dire malheureusement, parce que je pense qu'il a ouvert des questions auxquelles on n'a toujours pas les réponses. Et il est, pour moi, en tout cas, l'auteur de ce qu'on appelle l'altérité, même si c'est un mot qu'on ne lit pas souvent chez les commentateurs de Camus, mais je pense qu'il avait mis au centre de sa réflexion l'altérité, qui est une notion qui me semble extrêmement importante dans l'actualité du moment, cher Franck. N'est-ce pas, hein, on peut dire que ça nous parle, tout ça. Alors, merci beaucoup, Eva. On aurait eu encore beaucoup à dire sur Albert Camus, et on a bien compris à quel point il vous séduisait à tous les points de vue. Albert Camus, La Revanche, c'est le titre du hors-série du Point. Vous savez, dans cette très belle collection, Les Maîtres Penseurs, avec un florilège de grands textes de Camus. Et puis, un numéro hors-série de Philosophie Magazine également. Très bien fait. Albert Camus, La Pensée Révoltée, avec des textes de tous nos grands philosophes, hein, d'Alain Finkielkraut à Michel Onfray, etc., André Comte-Sponville. Tous parlent de Camus, avec aussi un très beau texte d'Anna Arendt sur l'existentialisme. C'est donc un numéro hors série de Philosophie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Mercedes qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission, qui voudrait connaître l'origine de la tradition de la jarretière lors d'un mariage. Oui, alors avant de parler peut-être de la jarretière à marier, parlons de cette jarretière qui est un accessoire de costume, hein, qui naît au 12-13e siècle. D'abord, c'était simplement, pour porter les bas, hein, au niveau du jarret, d'où le terme tout bêtement de jarretière. C'était un accessoire qui n'était pas spécifiquement féminin à l'époque, puisque tout le monde portait des bas, donc les hommes l'utilisaient autant que les femmes, et puis petit à petit ça va devenir un accessoire alors de plus en plus féminin, 15-16e siècle, et sous Louis XIV la jarretière, alors cette fois des dames, hein, puisque les hommes ne portent plus plus du tout les mêmes types de jarretières, en tout cas la jarretière se porte beaucoup plus haut à mi-cuisse, et là ça devient évidemment quelque chose de nettement plus intéressant. C'est dit-on, mais c'est en l'occurrence Thomas de Quincey qui raconte ça dans Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant. On dit que c'est le philosophe Kant, figurez-vous, qui aurait inventé lui le porte-jartelle, parce qu'il en avait assez de se serrer les jambes, et donc il avait cette idée de rattacher directement les bas aux culottes, en fait. Bon, alors, pour ce qui est des mariages, on a pris l'habitude, on va dire vers la fin du 19e siècle, c'est assez difficile à dater ça, pour tout vous dire. Vers la fin du 19e, on prend l'habitude de faire cette espèce d'enchère, vous savez, les hommes enchérissent pour acheter, pour avoir la jarretière de la mariée, et on lève de plus en plus la robe. On peut pas dire que ce soit toujours très noble, évidemment, comme moment dans un mariage, et c'est une tradition, disons-le, qui est quand même largement en voie de disparition. Bonjour Elena Morna. Je savais pas que vous y connaissiez si bien. Moi, je connais tout ça, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Alors, de la jarretière au jarret, nous allons parler de vos dents, de votre sourire. Pourquoi pas le vôtre aussi, Franck? On va s'intéresser à l'orthodontie aujourd'hui. Pourquoi ça coûte si cher? Comment réduire le coût de la facture? C'est vrai que beaucoup de patients renoncent ou s'endettent pour soigner, pour se faire soigner. Eh bien, on va essayer de faire en sorte que vous ne vous endettiez pas. Et vous pouvez nous contacter, poser vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr, Franck. Mais qu'on parle d'orthodontie ou de jarretière, je citerai la peste de Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Nous nous retrouvons demain, Céline. À demain, Franck. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.